Behemoth. Sergente Lacroix battait des paupières furieusement. Malgré le bandeau de son casque, des gouttelettes de sueur lui brûlaient les yeux. À cause des larmes, elle n'arrivait plus à lire les petits caractères bleutés scintillant à travers la visière. Son HUD. Head Up Display. Cela faisait maintenant 3 heures qu'elle était sous le soleil brûlant. Elle transpirait de tous ses pores, le soleil lui plombait la tête. Tout était lourd, trop lourd. Uniforme noir, armure, jambière, bouclier balistique, matraque électrifiée. SOM. Aujourd'hui, elle marchait avec l'unité rouge, portant un brassard au bras de la même couleur. Ils étaient une 60aine en formation, la première ligne positionnée bouclier à bouclier. « Tabarnak !» grommela Mickey derrière elle, traînant la patte. « Hey, Lacroix, ça te dit quelque chose, la bataille de Caraï ?» Mickey avait reçu une balle de billard sur le genou, un peu plus tôt, mais il n'y avait personne pour le remplacer. C'était un tireur d'élite. Il tenait le lance-grenade, encombrant avec son barillet de 12. « Caraquoi ?» cria Amélie. Mais un mugissement interrompit leur conversation. Le Behemoth grondait, son tuyau d'échappement vomissait de la fumée noire. C'était un bulldozer géant, kaki, blindé avec une armure en céramique nanocristalline dernier cri. Les vitres de la cabine étaient pare-balles, doublement protégées par une cage de barreaux. Ses chenilles crissaient, indestructibles. Sa pelle faisait 4 mètres de large et totalisant 60 tonnes, le monstre prenait les 2 voies de la route. Sur le toit triomphait la coupole hexagonale de l'ADS, déployée par 2 bras hydrauliques. Le Behemoth était invincible. Amélie secoua la tête, grogna. Les instructions étaient claires. Escorter le véhicule et le protéger à tout prix. Cela les plaçait au front, là où était l'action, l'adrénaline. Le détachement s'engageait sur Notre-Dame. Ils avaient déjà brisé la manifestation 2 fois, mais les rats se regroupaient. Il fallait frapper. Encore. Pas à pas. Les chenilles du Behemoth sillaient, les dents filaient à la hauteur de ses épaules, crachetant des poussières d'asphalte sur son armure. Des colonnes de fumée noire s'élevaient au loin. Pas à pas. La chaleur était insoutenable, le soleil implacable. Malgré les édifices qui cernaient le boulevard de part et d'autre, pas la moindre ombre, pas le moindre refuge. Amélie se mordit la lèvre. D'autres gouttes acides lui brûlaient les rétines. Elle avait la nausée. Le monde vacillait. Des cris incompréhensibles s'élevaient, à droite et à gauche. Des langues sèches, des glapissements sur le boulevard brûlant. Quelque chose clignotait sur son HUD. Impossible à lire. Pas à pas. Les grondements de la foule l'arrachèrent à sa rêverie. Là, devant, une barricade faite d'auto renversées, de conteneurs de poubelles. Des hordes, à moitié à poil, brandissant machettes et drapeaux noirs, tirant des briques. Le Behemoth rugit, crachant une autre bouffée huileuse. La coupole de l'ADS s'aligna soudainement, les rotors grinçant. Le canon fit feu, ses rayons invisibles projetés le long du boulevard. Instantanément, des hurlements déchirants jaillirent de gorges mutilées, suivis de cris de rage et de panique. Le bulldozer avançait toujours, ses flancs protégés par l'unité rouge. Pas à pas. Pendant un instant, le temps semblait suspendu. Amélie était de retour en Bolivie. Elle revoyait l'horizon turquoise du Salar d'Uyuni, les chenilles du tank Jaguar 9, un village décimé par les bombardements. Marcher à travers les rues calcinées, l'herbe croustillante sous ses bottes, les cadavres calcinés de femmes, d'enfants. Là, quelque chose qui grouillait encore. Viser, tirer, run de nettoyage. Un cri s'éleva près d'Amélie. Tout à coup, Des bouteilles volèrent à la douzaine, éclatèrent, projetant des éclats de verre et une espèce de glu translucide. Mickey en était couvert, le visage tordu par le dégoût. Il tentait d'essuyer son armure, mais ne faisait qu'étendre la substance qui lui collait aux gants. Les projectiles fondaient sur l'unité rouge comme des oiseaux de verre. Amélie se réfugia instinctivement derrière son bouclier. Elle réalisa trop tard que les tirs venaient d'en haut. Avant de pouvoir pointer le balcon aux tireurs d'élite, le scillement aigu de feux d'artifice résonna à travers le boulevard. Les étincelles colorées percutèrent la mixture, l'enflammant d'un coup. Le cri de Mickey fut étouffé par la tempête de flammes qui s'empara de l'unité rouge. Des éclairs aveuglants assaillaient le boulevard, les germes de feu rongeant, brûlant la peau exposée à travers les joints d'armure. Encore et encore, les bouteilles tombaient. Un cocktail diabolique, quelque chose à mi-chemin entre du napalm et de la termite. Amélie jeta son bouclier aspergé par le brasier chimique. D'un coup d'œil, elle aperçut son unité immobilisée par le choc. Saisissant l'opportunité, des émeutiers se rapprochaient, brandissant leurs armes rouillées en gueulant. Impassible, le béhémoth avait identifié la menace et réagissait dans un temps record. Mais la coupole se redressait vers le balcon du 8e étage dans un mouvement d'une lenteur agonisante. Là, deux bannières suspendues, illisibles à travers les larmes. Le cœur d'Amélie fit trois tours. Elle aperçut des bonbonnes de propane balancées du balcon et auxquelles étaient collées des fusées de signalement, crépitant d'une teinte rosée comme des étoiles filantes pour aller s'écraser sur l'asphalte. La terreur gagna l'unité rouge. La ligne brisa. Les policiers déguerpissaient, fuyaient dans tous les sens comme des cafards. Mais d'autres colonnes de fumée s'élevaient dans le sens inverse. Celles-là grises, brunes, sales. C'étaient des édifices de Griffintown qui brûlaient, bloquant leur seule voie de retraite. La débandade était complète. Amélie voyait les siens fuir, tandis que les émeutiers se rapprochaient. Le béhémoth tractait des chenilles, tentant de faire demi-tour en boucanant. Déjà, des enragés couverts de suie, de sueur, de sang, se jetaient sur le bulldozer, gravissant la cage, équipée d'une multitude de chaînes, de cordes et de crochets. Les mailles étaient avalées par la masse, tirées d'une force décuplée par la haine. La bête se débattait, ses opérateurs à peine visibles à l'intérieur. Des ombres derrière les verres pare-balles. Amélie serra les mâchoires. Elle n'allait pas fuir. De toute évidence, les bonbonnes étaient vides. Le lance-grenade de Mickey gisait à ses pieds. La mémoire gravée dans les muscles, elle abandonna sa matraque, arracha son casque d'une main, balaya la sueur de ses yeux, saisit le lance-grenade de l'autre main. Une jeune femme cagoulée chargeait en sa direction, avec une brique. Run de nettoyage. Visée. Tirée, la grenade sonore atteignit l'émeutière à la poitrine, détonnant au contact de celle-ci dans un bang assourdissant, balayant la femme dans un nuage de poussière et de vapeur de sang. Amélie passa à une seconde cible, retint son souffle le temps de serrer la gâchette. Feu, encore et encore, mais la masse difforme happait ses grenades comme un organisme immonde, entrelacé de hurlements, d'eau broyée et de lambeaux de chair. D'autres manifestants fonçaient vers elle, vociférant des insultes inaudibles à travers la cohue. Trois émeutiers tombèrent sous les grenades sonores. Amélie continuait d'appuyer sur la gâchette. Rien. Il n'y avait plus de munitions. Sur le boulevard, une chenille du béhémoth levait finalement de terre, la machine tirée inlassablement de côté. Étourdie, l'envie de vomir, Amélie sentit tout à coup un violent choc dans son dos, suivi d'un spasme de douleur qui lui coupa le souffle. Elle se retourna. L'autre était en espadrille et camisole noire, avec un masque à gaz de la Deuxième Guerre, des poings écorchés maniant une batte de baseball en aluminium. Sans réfléchir, Amélie effectua un revers et l'atteignit à la figure avec la crosse du lance-grenade. L'autre tomba à la renverse. un instant plus tard, et elle était par-dessus lui, la vue troublée par la fumée âcre. Un autre coup de crosse sur le visage de l'anarchiste qui se débattait, craquelant la lunette de son masque à gaz. Amélie se déchaîna, râlant, suffoquant dans la chaleur et les vapeurs écœurantes, frappant encore et encore, à bout de souffle, le plastique de la crosse fêlant sous le choc, le masque broyé, ses sangles glissant dans des coulisses cramoisies. Quelque part, le béhémoth s'écroulait dans un tonnerre de métal tordu et d'hydraulique défaillant, accueilli par les clameurs de la foule. D'une seconde à l'autre, les émeutiers s'assembleraient dans tous les sens, convergeant incessamment, inéluctablement, vers une nouvelle cible. Lorsqu'un gant de plastique calciné se referma sur son épaule, Amélie lâcha le lance-grenade et dégaina son pistolet. Le visage tordu de Mickey dans la fumée noire. « On dégage !»